La délégation de l'Association nationale des Coréens aux États-Unis, conduite par son président Yoon Gil-sung et Kim Won-bae, membre de l'Association des Coréens au Canada, sont arrivés le 11 à Pyongyang à l'occasion de la journée de la brillante étoile.